je vais en parler. Je pensais effectivement me restreindre. Enfin, je me suis restreinte. J'ai construit ma communication sur ça, sur la manière dont les assistantes interviennent dans les visites en institution pour les familles dont les enfants sont placés. Mais on verra que ça a forcément un lien avec les visites que les assistantes sociales font dans les familles en amont des questions de placement. D'accord. D'y revenir. C'était Clyde Primozil qui, lors de la première séance, avait dit qu'un des éléments étonnants quand on regarde les questions d'institutions et familles, c'est que les institutions tentent de normer, de réguler les relations familiales, mais en même temps mettent de fait en place un ménage à trois, c'était son expression, où les agents de l'institution du coup, forment un élément qui vient entrer en jeu dans ces relations familiales. Et moi, mes assistantes sociales, c'est exactement ce rôle-là. C'est plus qu'un rôle, j'ai fait des jolies petites matrices, c'est plus qu'un rôle d'intermédiaire entre l'institution et la famille, puisque l'institution n'a pas besoin de l'assistante sociale pour s'adresser aux familles, mais elle va avoir un rôle pivot où elle va faire une médiation, et même plus qu'une médiation, elle va aussi intervenir avec ses propres règles, ses propres attentes auprès de chacun de ses acteurs, à savoir l'institution, la famille et bien sûr la personne instituée elle-même qui constitue un troisième acteur dans cette configuration. Du coup, les assistantes sociales vont être aussi un autre élément que la famille qui organise le contact entre l'institution et l'extérieur. Pour l'instant, on a beaucoup vu les familles comme principal agent de contact avec l'extérieur, et là, on en a un autre. Alors, je vais commencer d'emblée par préciser ce que je ne vais pas pouvoir faire dans cette communication. D'abord, je ne vais pas pouvoir faire une histoire fine des espaces à l'intérieur des institutions ou des parloirs, comme on vient de le faire, tout simplement parce que moi, ce n'était pas ça mon sujet de thèse, et qu'en plus, pour la plupart, elles n'existent plus, les archives de ces institutions. Il y a pléthore d'institutions de placement différents pour les enfants dans l'entre-deux-guerres, et la plupart ont disparu depuis, donc n'ont pas gardé de traces. Donc, pour un grand nombre d'entre elles, je sais très peu de choses, en fait, sur les conditions des visites, etc. Donc, moi, ce que je vais pouvoir voir, c'est autre chose, c'est un pas de côté, et c'est comment les assistantes sociales elles-mêmes interviennent vis-à-vis de ces institutions d'accueil et vis-à-vis des familles. Autre chose que je ne pourrais pas faire, c'est du quantitatif, j'en ai fait du quantitatif dans ma thèse, qui est encore en cours, hein. La question des visites, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai regardé ou objectivé en quanti. Et donc du coup, j'assume que là, ça sera uniquement de l'exploration en qualitatif. Et enfin, dernière chose que je ne peux pas faire, c'est avoir conclusions fortes et définitives sur ces questions des visites. Là aussi, parce que ce n'était pas une question centrale dans ma thèse, donc j'ai dû me replonger dans mes archives pour chercher ces questions-là de comment est-ce que les assistantes interviennent face aux questions des visites. Et du coup, j'ai beaucoup d'hypothèses, mais très peu de... Enfin voilà, ce serait vous mentir que de vous dire que je suis tout à fait sûre de toutes les hypothèses que je vais soulever ici. J'ai d'autant plus de points d'interrogation j'ai très peu de sources qui me parlent de comment les assistantes sociales envisagent justement cette question des visites une fois que les enfants sont placés en dehors de leur famille et sur comment réguler ces visites. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques en fait, de ces professions féminines du care, où on insiste à côté sur la technicité de ces métiers, et en même temps, dès qu'on arrive dans la pratique du métier, on a aussi tout un discours sur l'intuition, particulièrement quand c'est des femmes, l'intuition féminine, le tact des assistantes sociales qui les conduirait à savoir un peu, sans besoin de théorie, comment agir face à ces questions du relationnel. Voilà. Donc le relationnel est toujours peu pensé ou peu décrit en tout cas comme quelque chose de technique, mais plutôt comme relevant de l'intuition. Alors, avant de poser les problématiques, etc., il faut déjà peut-être que je vous explique sur quel service social je travaille et pourquoi est-ce que je parle d'enfants placés. Je travaille en réalité sur le service social de l'enfance en danger moral, que je vais appeler le SSE, qui perd le danger moral à partir de 1930, qui va s'appeler à ce moment-là uniquement le service social de l'enfance, et qui est un service social qui intervient pour le compte du tribunal pour enfants du département de la Seine. Et il prend en charge du coup trois types de procédures qui sont les procédures qui parviennent devant le tribunal pour enfants de la Seine. à savoir des jeunes ayant commis des délits, mais aussi deux autres types de mesures qu'on connaît souvent moins bien. Le premier qui s'appelle la correction paternelle, et qui est une mesure qui a existé pendant très longtemps, et qui, par le Code civil de 1804, permettait à des parents dont l'enfant était indiscipliné ou avait une mauvaise conduite, de requérir son incarcération ou son placement par le magistrat. Donc, une des spécificités de mon service, c'est que contrairement à la plupart des institutions qu'on a vues pour l'instant, là, il peut y avoir des cas de rupture de liens familiaux qui sont en fait souhaités, même requéris par la famille. Même si souhaiter que son enfant soit placé ou incarcéré ne veut pas dire pour autant que la famille souhaite la coupure de tout lien, et notamment on peut continuer à rendre visite à son enfant quand bien même on a décidé de le punir en le plaçant dans un établissement pour jeunes difficiles. Et troisième type de mesure, c'est ce qu'on appelle les déchéances paternelles, c'est l'exact inverse, c'est une mesure de protection pour les enfants en danger quand on estime que les parents sont maltraitants ou négligents. Et donc là, les placements d'enfants vont se faire pour l'éloigner de leur famille, pour le protéger de leur famille. Donc c'est deux cas très différents qui vont être les deux principaux qui m'occupent. Enfin, dernière chose, le service social a une mission double. En amont du jugement, faire justement des enquêtes où ils vont rendre visite aux familles pour essayer d'avoir une vision un peu plus précise de la famille et de ses problématiques. Et en aval du jugement, c'est elles en l'occurrence, puisque ce sont des femmes qui vont s'occuper de ce suivi, de placer l'enfant, mais aussi de continuer le suivi même une fois que l'enfant est placé. Donc, autre chose pour justement faire les liens entre nos différentes institutions, pour répondre aux vœux de Mathieu, on a vu pour l'instant deux types d'attitudes des institutions disciplinaires qui sont les nôtres envers les liens familiaux. Si je schématise, on a vu les institutions qui régulent les liens familiaux pour des questions de maintien de l'ordre à l'intérieur de l'institution, c'est notamment ce qu'avait vu Anatole, ou pour... régulées en fonction des questions de parenté légale, c'est notamment ce qu'Elsa a vu avec qui a le droit d'écrire aux détenus. Mais ces institutions-là, du moins de ce que j'en ai vu dans les précédentes interventions, ne jugent pas du contenu de ces liens familiaux. On pourra en discuter. Et puis il y a d'autres institutions qui, elles, attribuent une fonction à ces liens familiaux. On a vu Pierre qui parlait de la fonction éducative qu'on donne aux liens parents-enfants pour l'école, et puis Paul qui parlait de la fonction sociale, la famille qui sert d'élément pour assurer la réintégration sociale de l'aliéné une fois qu'il sort d'entre les murs. Donc moi, mon institution est clairement plutôt dans cette deuxième tendance où on attribue une fonction aux liens familiaux, et du coup les assistantes sociales vont juger de l'effectivité de ces liens, elles vont évaluer en permanence la force de ces liens, qui sont à la fois perçus comme des liens éducatifs, mais aussi comme des liens affectifs, et donc c'est cette double fonction qu'on va étudier. Pourquoi est-ce que je regarde le cas des visites, outre que c'est le titre de la séance ? Tout simplement parce que c'est par le biais des visites que les assistantes vont juger l'effectivité de ces liens. Ce que ça veut dire, c'est que quand elles placent les enfants, elles vont aussi porter une très très grande attention à est-ce que les parents rendent visite, comment est-ce qu'ils rendent visite, qu'est-ce qui se passe, pour juger justement de est-ce que ces liens familiaux, quelle force ils ont, quelle fonction ils servent. Donc c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui avec trois grandes questions. Du coup, comment est-ce que les visites sont régulées par les assistantes sociales, quel rôle parental est prescrit à travers ces visites, comment est-ce qu'on conjugue la nécessité, enfin ce qu'on perçoit comme la nécessité d'éloigner les enfants de leur famille en les plaçant et en même temps de garder un lien. Deuxième question, comment est-ce que les visites vont servir justement d'instrument pour évaluer la force de ce lien? Est-ce que d'ailleurs l'avis des assistantes sociales peut évoluer au cours du suivi? Troisième question, les assistantes sociales vont faire de ces visites un critère pour évaluer la force de l'affection parentale, etc. Mais est-ce que finalement les familles elles-mêmes et les personnes instituées elles-mêmes placent les mêmes enjeux dans les visites? Est-ce que pour les familles, est-ce que pour les personnes instituées, la visite, c'est uniquement un enjeu d'obtenir du réconfort affectif, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies dans cet outil? Alors, quelques petits rappels méthodo avant d'attaquer. Du coup, dans ce que j'entends par famille, on va retrouver, on aime bien Florence Weber ici, donc on va retrouver un peu les différentes définitions de la parenté qu'elle donne. La parenté légale, d'une part, bien sûr, surtout pour une assistante du tribunal qui a à traiter de questions de puissance paternelle, de parents ayant des droits sur l'enfant, etc. Les liens du sang de façon plus élargie, les liens de descendance, notamment parce qu'on va le voir, les assistantes ont en fait une vision assez élargie de la famille, elles n'hésitent pas à s'appuyer sur d'autres membres de la famille que les parents eux-mêmes quand elles estiment que c'est opportun. Voilà. Toute la parenté pratique et donc en fait le nombre de relations qui sont mises en place entre l'enfant et les personnes de son entourage, qui soient de sa famille de descendance ou de famille choisie, on verra la question des fiancés justement, qui sont inclus là-dedans. Dernière petite précision méthodo, je vais parler des visites, mais je vais aussi parler en corollaire des permissions de sortie, puisque les deux sont pensés ensemble et c'est absolument impossible de penser l'un sans l'autre. Et c'est les deux moments où l'enfant est placé, peut voir sa famille, l'un surveillé par l'institution d'accueil, l'autre non. Et donc c'est cet enjeu-là qu'on va voir. Donc c'est un plan en 5 parties, mais il y en a des beaucoup plus courtes que d'autres. Je ne vous en fais pas. On va commencer par l'amont un peu de visite, c'est le rôle de la famille, pourquoi est-ce qu'on décide de placer les enfants. Et ensuite, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et de la pratique, et quelles sont les fonctions attribuées par les assistantes sociales à ces visites, comment est-ce qu'elles les régulent, et quelles sont les stratégies des familles elles-mêmes. Alors, pour commencer justement sur le rôle prescrit aux familles et aux liens familiaux par les assistantes sociales. Le fait qu'on soit dans une institution qui attribue une fonction à ces liens familiaux, ça vient sans doute de la particularité d'être sur un lien parent-enfant et d'être face à une personne mineure, puisque du coup, la famille joue ce rôle éducatif, ils ont un rôle pour le développement de l'enfant et en tout cas les assistantes sociales le pensent comme tel dès l'entre-deux-guerres. Et justement, j'aimerais revenir sur une petite question de chronologie de l'évolution de la manière dont les différentes institutions disciplinaires ont pensé les fonctions de ce lien familial. Paul parlait la dernière fois de la famille pensée comme élément de réintégration sociale, réintégration dans la société. Or ça, il me semble que ça arrive uniquement dans les années 50. C'est vrai pour l'asile, mais c'est aussi très très vrai pour le milieu éducatif, surtout que les deux ont beaucoup d'échanges. Les milieux éducatifs se nourrissent beaucoup des théories psy, donc ça vient directement de ça. Et autant dans les années 50, les éducateurs, les assistantes sociales vont beaucoup penser le maintien des liens familiaux comme un élément permettant à terme à l'enfant qui a été placé de se réintégrer dans la société, autant c'est pas du tout une problématique qui apparaît dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, en réalité, c'est plutôt l'apparition d'une nouvelle théorisation du lien parent-enfant et d'une psychologisation des liens familiaux qui s'effectuent. La question de l'affection dans les liens familiaux parent-enfant, c'est pas une nouveauté du XXe siècle, et Yvon Jablonka avait déjà montré dans sa thèse sur l'assistance publique que les enquêtes de l'assistance publique ont une petite mention réservée à est-ce qu'il y a une affection du parent envers l'enfant qui est visible. Donc c'est quelque chose qui apparaît déjà dès la fin du 19e siècle, mais qui va prendre un tournant plus de, justement encore une fois, psychologisation des liens familiaux au moment de l'entre-deux-guerres. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un tournant dans la manière dont on pense qu'il y a une bonne ou une mauvaise famille. Jusqu'aux années 1910-1920, une mauvaise famille, c'est pensé en termes de milieu. Il y a un mauvais milieu familial qui présente des risques de mauvaise influence sur l'enfant à cause de l'alcoolisme des parents, des mères célibataires, de la mauvaise santé de l'enfant, etc. Quand on arrive dans les années 20 et 30, on va passer à une interprétation plus relationnelle de ces risques familiaux. Et c'est la question des relations parents-enfants elle-même qui va devenir un risque. Donc c'est plus une approche monofactorielle, mais c'est vraiment cette, cette question des liens. Et on le retrouve notamment, je vous ai mis un extrait, le premier extrait, c'est un extrait de Mary Richmond, qui est une théoricienne du travail social américaine, qui dès 1917 écrit que la dénomination de famille ne suffit pas à constituer un foyer, il faut autre chose que la cérémonie du mariage pour créer des liens de famille, il faut distinguer les familles factices des familles réelles, et pour distinguer les familles factices des familles réelles, il faut s'intéresser à l'effectivité du lien, justement. Donc c'est cette approche interrelationnelle. Et cette approche-là, elle va se développer aussi dans le service social français dans les années d'entre-deux-guerres. La deuxième citation que je vous ai mise, c'est une des grandes figures du travail social en France dans les années 30, qui estime que l'importance du lien parent-enfant, de l'ambiance familiale, c'est ça qui va permettre le bon développement de l'enfant, et à l'inverse, le manque d'unité familiale est un risque. Donc, on arrive sur cette interprétation plus relationnelle de ce qu'est le lien parent-enfant. Et comment est-ce que sont évalués ces liens affectifs par les assistantes sociales ? Et bien, en amont du placement, c'est justement par l'enquête sociale que ça va être évalué. Cette question de l'enquête sociale, on l'a vu déjà apparaître dans plusieurs communications académiennes. Je crois qu'on l'a entendu chez Elsa et chez Paul. Il y a plusieurs institutions qui l'utilisent. On regarde si le milieu familial est mauvais, on regarde quelles sont les questions d'hérédité, etc. Ce qu'on ajoute là dans les enquêtes sociales des assistantes, c'est justement qu'elles vont aller rendre visite aux familles elles-mêmes, et notamment elles prennent un temps où elles se posent dans un coin de la pièce et observent les relations parents-enfants et notent leurs premières impressions sur les relations parents-enfants. Il y a une espèce de coup d'œil de la sociologie spontanée, comme disait Vincent Dubois, où elles interprètent l'effectivité de ces liens familiaux à travers leurs premières impressions. Et puis, au-delà de ces interactions, il y a toute l'enquête de voisinage qui va leur permettre de s'informer justement sur ce que pensent les voisins et ce genre de choses. Mais donc, la différence avec les autres institutions qu'on a vues jusqu'à présent, c'est que dans le cas de la prison ou de l'hospice, les enquêtes sont menées par des assistantes, mais c'est ensuite une autre institution qui prend le relais. Or, là, il y a une continuité entre l'enquête et le suivi. Donc, les assistantes sociales qui vont suivre la famille ont tout cet effet de connaissance, ce biais de connaissance au préalable de leur enquête sociale et des premières impressions qu'elles ont eues sur ce lien parent-enfant, et on le verra dans les exemples, ça pèse beaucoup, cette première impression. Voilà pour ce qui est, du coup, justement, de quels sont les rôles prescrits par l'enquête. Ensuite se pose effectivement la question du placement, et les assistantes sociales du tribunal ont, à l'issue de chaque enquête, à recommander ou non au magistrat d'éloigner l'enfant de sa famille en le plaçant dans une institution d'accueil. Les institutions sont très diverses, ça peut aller du simple foyer pour jeunes gens qui ont fait un endroit où on dort, mais avec des règles assez souples, à une institution plus fermée comme les bons passeurs ou les institutions religieuses pour jeunes filles. Et puis enfin, pour les jeunes enfants, des internats scolaires, il y a toute une diversité de types d'institutions d'accueil. Mais avant de se pencher là-dessus, il y a du coup, ça occupe les assistantes sociales de savoir si séparer l'enfant de sa famille est toujours une bonne solution. Vous avez là ce rapport de stage d'une élève assistante sociale au service social de l'enfance qui se demande justement comment agir quand on est tiraillé entre la volonté de protéger l'enfant en l'éloignant de sa famille, et en même temps, les dégâts que peuvent causer la rupture des liens familiaux. Et je vous ai souligné la phrase en bas, l'assistante n'est pas toujours sûre de faire le bonheur de l'enfant en l'éloignant de sa famille, n'est-il pas plus heureux malgré tout dans sa famille, où il se trouve quelqu'un pour l'aimer, que dans le milieu où il va être transporté, où il aura de la peine à s'accoutumer, où il ne retrouvera pas une atmosphère familiale normale, où il ne recevra pas l'éducation familiale normale des autres enfants. Donc la question du placement comme rupture des liens familiaux est pensée d'emblée par les assistantes sociales. Et tout le discours du SSE est de dire on place les enfants en dernier ressort, si vraiment on ne peut pas faire autrement. En réalité, dans la pratique, il n'en va pas du tout comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un gain de temps et d'effort énorme pour l'assistante sociale que de placer l'enfant dans une institution plutôt que de devoir faire l'effort d'aller se déplacer dans la famille tout au long du suivi pour régulièrement observer si l'enfant va bien, etc. C'est très chronophage, c'est très coûteux en temps, c'est très coûteux aussi en argent, toutes ces dépenses de transport. Et donc, c'est un aspect pratico-pratique de pouvoir placer l'enfant qui n'est pas négligeable. Autre élément qui est peut-être même encore plus important que l'aspect pratico-pratique, en réalité, la théorie du milieu, l'idée que les familles sont néfastes pour les enfants dès qu'il y a alcoolisme ou ce que les assistantes identifient comme des mauvaises mœurs, etc., reste très présent malgré la psychologisation des liens familiaux. Et donc, ça reste une mesure qui est privilégiée d'éloigner l'enfant dès qu'on identifie un potentiel risque dans le milieu familial. Donc, les placements sont majoritaires dans le HSE. Et là, je vous ai mis tous les taux à l'issue des enquêtes sociales. Dans 53% des cas de correction paternelle, donc quand c'est les parents qui réclament à l'assistante sociale d'intervenir, 53% des enfants sont placés. Et quand c'est les déchéances paternelles, donc quand c'est un enfant qui est potentiellement maltraité par ses parents, 49%. Donc dans plus de la moitié des cas, les enfants vont être éloignés de leur famille. Donc c'est pas du tout le dernier ressort comme ça l'est présenté en théorie. Tous les autres, quand il y a des déchéances paternelles prononcées, ils restent dans la famille ? Non, ça c'est quand il n'y a pas d'échéance paternelle prononcée. Mais en réalité, c'est une minorité, les cas d'échéance paternelle prononcée, parce que c'est tellement radical que les tribunaux hésitaient à le mettre en œuvre. Et donc, du coup, en général, on préfère demander à une assistante sociale de s'occuper de placer l'enfant sans passer par une... C'est bon, une enquête. Ouais. Juste une petite question. Une alternative au placement, c'est les visites dans les familles. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas d'autres dispositifs. Non. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, en plus, les 49,5% que vous voyez là pour les déchéances paternelles, en réalité, ça, c'est les taux de placement effectifs, mais les demandes de placement dans les déchéances paternelles, on est plutôt à 80-90%. Et donc, les enfants qui ne sont pas placés, c'est parce que leurs parents refusent. Mais les assistantes sociales demandent vraiment beaucoup à éloigner. Les mesures d'éloignement sont très souvent demandées. Du coup, quand les assistantes sociales placent les enfants, la question du lieu de placement en lui-même va permettre ou non de maintenir plus ou moins facilement les liens familiaux. Et donc, c'est utilisé comme un outil dans une offre institutionnelle limitée, hein, mais néanmoins, c'est pensé comme un outil. Que cette mesure d'éloignement. Je vous passe cette. Elle est vraiment intéressante. Elle dit que c'est justement pour répondre à ta question, Mathilde, même quand il y a des échéances, c'est une assistante sociale du SSE qui dit ça, même quand il y a une retraite du droit de garde, etc. En fait, ce qui va empêcher les parents de voir leur enfant, c'est pas tant la mesure juridique, judiciaire qui est faite que où est-ce qu'on place l'enfant. S'il est placé à l'assistance publique et que du coup le lieu du placement est maintenu secret et qu'il est placé à la campagne, c'est fini. Alors que même s'il y a retrait du droit de garde, mais qu'il est confié à une œuvre privée qui est dans la région parisienne, en fait l'enfant pourra continuer à voir ses parents. Notamment parce qu'on y reviendra, les droits de visite ne sont pas interdits même s'il y a déchéance de la puissance paternelle. Donc la mesure judiciaire n'interdit pas en soi les visites. Autre choix, même quand il n'y a pas d'échéance, c'est effectivement où est-ce qu'on va les placer. En violet, vous avez les foyers qui, donc, je vous le disais, sont les institutions de placement les plus soft, enfin celles qui sont uniquement des dortoirs. Et vous voyez qu'en général, elles sont dans Paris elles-mêmes, même dans les quartiers populaires, donc peu éloignées potentiellement des lieux de résidence de la famille. Tandis que dès qu'on arrive sur les institutions religieuses pour jeunes filles qui sont en rouge, on est dans la partie sud de Paris, et voire même en fait beaucoup plus, si on dézoome un tout petit peu, en dehors de Paris. Donc ça permet d'éloigner beaucoup plus sûrement les enfants de leur famille. Et dernier dézoomage, en vert, les croix vertes, c'est les présentoriums, c'est là où on envoie souvent les enfants d'âge scolaire dont les parents ont été menacés de déchéance, parce que ça permet pour les assistantes sociales de conjuguer le fait d'offrir des soins à l'enfant, c'est cette cure de bonheur qui était en vogue à l'époque, et un éloignement sûr et certain de leur famille. Donc c'est beaucoup utilisé comme solution pour couper ces liens familiaux. Excusez-moi, ça c'est des choses qui dépendent du département de la Seine ou c'est vraiment au niveau national ? Les préventoriums, c'est, ils dépendent des départements de la Seine aussi, mais ils sont implantés du coup à la mer, en fait, le plus souvent. Ok. Il y avait des durées de séjour ou c'était affecté, c'était alors, le préventorium, c'est en fonction de l'état de l'état physique de l'enfant. Parce que c'est des sanatoriums, en fait. Alors, il y en a un qui est un sanatorium. Donc ça, c'est pour les enfants malades. Mais les préventoriums, c'est pour les pré-tuberculeux ou ceux dont on pense qu'ils peuvent devenir tuberculeux. Non, mais au moins trois. Enfin, sans Salvador, Andéa et Iberg, c'est des ouais, mais c'est aussi des préventoriums. San Salvador, notamment, on y met aussi les enfants pré-tuberculeux, donc ça sert, encore une fois, pas uniquement pour les raisons de santé, mais aussi pour éloigner de la famille. Enfin, c'est volontairement instrumentalisé comme tel. Voilà, donc ça, c'était pour les questions un peu en amont, justement, de comment est-ce qu'on pense cette rupture ou non des liens familiaux. Et là, j'entre du coup dans le flou artistique de la pratique. Déjà parce que j'ai moins de sources de littérature grise qui m'informent de ça, et puis parce que moi-même, je suis plus ignorante en la matière, donc je vais me baser sur des études de cas et essayer d'en tirer des hypothèses. La première question que je me suis posée, c'est cette question de comment est-ce que les assistantes se positionnent par rapport aux règles de l'institution d'accueil elle-même, et est-ce qu'elles se contentent d'être le relais des règlements intérieurs des institutions d'accueil. Alors, les règles de visite dans les institutions d'accueil, je vous le disais, je les connais très peu. Donc, je vois apparaître de temps en temps dans les dossiers des éléments qui m'informent là-dessus, mais j'ai peu d'éléments. Les bons pasteurs, ce sont qu'on connaît mieux, parce qu'ils ont été étudiés par d'autres chercheuses. Et on sait notamment ce fameux usage des grilles pour les parloirs. Et donc là, j'ai ce cas de cette mère qui s'apitoie sur le fait de voir sa fille à travers des grilles. Et vous voyez que ça dépend beaucoup en fait, d'une institution à l'autre, même pour une même, congrégation des sœurs Saint-Vincent de Paul, selon les orphelinats, les règles peuvent être très différentes. Et les règles les plus souples sont donc pour le foyer, dont ce foyer pour jeunes filles que vous voyez en bas, où là on a le droit en fait, on a des permissions de sortie tous les dimanches, beaucoup plus souples que dans les autres institutions. Sur les membres de la famille autorisés par les institutions d'accueil, j'ai été très étonnée de voir qu'il y avait peu de restrictions, en tout cas dans ce que je vois apparaître dans les dossiers. Il n'y a pas du tout notamment une restriction à la parenté légale stricte. Les beaux-parents sont autorisés à venir, les beaux-parents y compris quand ils ne sont pas mariés, sont autorisés à venir. Et j'ai même plus que la famille, j'ai des institutrices, j'ai des nourrices qui viennent voir les enfants, donc j'ai pas uniquement la famille. Le seul personnage qui pose problème, on y reviendra, c'est les filles. Ça, c'est moins étonnant peut-être, dans les institutions pour jeunes filles. Et pareil du côté des assistantes sociales, elles aussi, comme je vous l'ai dit, elles adoptent une définition très très souple de la famille, donc j'ai pas vraiment, les restrictions, c'est pas à ce niveau-là qu'elles se posent. Pour les contraintes pratiques des visites, donc je vous lisais les bons pasteurs, c'est ce qu'on connaît mieux, et si je reprends notamment la thèse d'Anne Tomaso sur les jeunes filles en institution dans les années 50, elle explique bien que c'est des institutions qui sont très très très méfiantes à l'égard des familles, qui autorisent des parloirs, mais surveillées, mais dans des lieux spécifiques, et qu'elles sont encore plus méfiantes envers les permissions de sortie, justement. Puisque dans les permissions de sortie, l'institution d'accueil n'a pas le contrôle, elle ne peut pas vérifier ce qui se passe, et elle dénonce régulièrement que la mauvaise influence que les familles auraient sur les jeunes filles pendant les permissions de sortie, et que les jeunes filles reviendraient après leur permission en ayant perdu toute leur bonne manière qu'elles avaient durement acquise dans l'institution d'accueil. Donc ma première question quand j'ai vu ça, c'est de me demander est-ce que mes assistantes sociales à moi jouent justement ce relais des institutions d'accueil lors des permissions de sortie, puisque elles peuvent contrôler les familles chez elles, et est-ce qu'elles jouent du coup ce rôle-là. Alors, je vous ai donné un exemple où, alors, en fait, la première peur des assistantes sociales, c'est que les institutions renvoient leurs jeunes protégés parce qu'elles trouvent qu'elles sont trop indisciplinées, etc. Donc, dès que les institutions d'accueil se plaignent, elles font très attention à essayer de respecter leurs vœux. Et là, notamment, on a le cas d'une jeune fille placée dans un orphelinat où la mère supérieure se plaint que dès qu'elle a une permission de sortie, elle revient, je cite, affublée comme un paon, avec des couleurs criardes, des robes vulgaires, et que du coup ça déteint sur son comportement dans l'institution elle-même. Et l'assistante sociale va s'emparer de ça très sérieusement parce que la jeune fille est menacée de renvoi, et elle va lier ça, si plus est, à une question éducative plus large sur le thème du fait que cette jeune fille ne sait pas gérer son budget et dépense son budget dans des dépenses dites futiles que sont justement les tenues vestimentaires sans faire attention à son budget. Donc l'assistante sociale va se donner pour mission de réguler ce comportement et propose à la mère de gérer le budget de la jeune fille, de récupérer son pécule, de lui donner elle-même des morceaux de soie pour coudre ses vêtements plutôt que qu'elle fasse des dépenses considérées elle-même, etc. Et surtout, elle dit que la mère, apparemment, enfin, c'est ce qui est marqué dans le rapport, hein, donc c'est toujours présenté à l'avantage des assistantes sociales, mais la mère se répandrait en remerciements parce qu'elle-même s'avoue trop faible et incapable d'empêcher sa fille de faire les dépenses qu'elle veut lors des permissions de sortie. Donc on voit bien là qu'il y a ce rôle de l'assistante, non seulement comme relais de l'institution d'accueil, mais comme figure d'autorité concurrente, en fait, à la mère. C'est un rôle, ce rôle de relais-là dans les permissions de sortie, il est d'autant mieux embrassé par les assistantes sociales que ce n'est pas uniquement un rôle de relais, c'est un terrain où elles vont pouvoir développer toute leur influence propre et jouer vraiment ce rôle éducateur qu'elles pensent être leur. Donc c'est pas uniquement relayer les règles de l'institution d'accueil, c'est elle-même exercer une influence personnelle. Donc c'est un rôle qui est valorisé pour l'assistante sociale. Il y a relais de l'institution d'accueil sur les permissions de sortie, il y a assez peu de régulation des visites elles-mêmes, ça reste du domaine propre de l'institution d'accueil, ça reste entre leurs murs, donc c'est elle qui gère ces éléments-là, et les assistantes sociales interviennent assez peu là-dessus. Par contre, on ne peut pas pour autant estimer que l'assistante sociale n'est que le relais de l'institution d'accueil, qui ne ferait que s'adapter aux règles de l'institution. Et même au contraire, on a des fois où on voit que l'assistante va organiser une médiation pour essayer de déroger aux règles de l'institution en faveur des jeunes institués et de leurs familles. Et c'est notamment le cas sur cette fameuse figure du fiancé dont je vous parlais tout à l'heure, puisque particulièrement dans les maisons pour jeunes filles, alors j'ai un nombre d'études de cas qui est beaucoup plus important pour les jeunes filles, parce qu'en fait elles sont plus souvent placées, donc je vais plutôt vous parler des jeunes filles que des jeunes garçons. Mais donc dans les institutions pour jeunes filles, les religieuses sont très très frileuses à l'égard des fiancés, et à cet égard les assistantes sociales du service social de l'enfance ont une attitude beaucoup plus libérale et vont plusieurs fois dans plusieurs dossiers intervenir pour autoriser la jeune fille à écrire à son fiancé, le fiancé à lui rendre visite. Et donc là, alors ça pose la question à quel moment, parce que le terme de fiancé est bien souvent officieux, en fait c'est juste deux jeunes gens qui se côtoient, il n'y a pas toujours immédiatement de promesse de mariage, donc il y a aussi la question à quel moment les assistantes sociales considèrent que c'est un fiancé légitime ou qui fait partie de la famille. On peut avoir du coup un rôle de médiation en faveur des institués eux-mêmes. Donc, du coup, cette question-là nous arrive à nous demander quel est le rôle que s'attribuent les assistantes sociales. Si ce n'est pas uniquement celui de relais de la famille d'accueil, alors même que l'enfant est placé 24 heures sur 24 dans une institution, quel est le rôle que les assistantes sociales continuent de se donner malgré ça, et pourquoi est-ce qu'elles continuent d'intervenir dans ces questions de visite? En réalité, on est face à un service où les assistantes continuent à agir avec leurs propres règles et leurs propres attentes vis-à-vis des liens familiaux, en dépassant de loin le cadre de celui de l'institution qui accueille l'enfant. Et en particulier, on va voir ça sur la question de l'absence de visite, justement. J'ai pas vu dans le dossier d'institution d'accueil qui se plaint qu'il y ait des absences de visite, que les parents ne rendent pas visite à leurs enfants. Si on reprend le travail d'Anne Tomaso, au contraire, comme les bons pasteurs, les institutions religieuses sont très frileuses à l'égard des familles, finalement, c'est pas dérangeant pour elles quand les parents ne vont pas rendre visite, surtout que c'est des institutions qui surjouent la mise en scène de la famille de substitution et de l'autorité de substitution. En tout cas, peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, je n'ai pas les archives des institutions elles-mêmes, mais je n'ai pas l'impression que ce soit envisagé comme un problème pour ces institutions-là. Par contre, pour les assistantes sociales, c'est un véritable problème. Et c'est même un des points qui les occupe le plus quand elles sont en un suivi en cours où l'enfant est placé. Je vous donne ici le cas de Janine, qui est une jeune fille qui est placée pour demande de correction paternelle. Donc c'est son père qui souhaite la placer pour indiscipline. Elle a 11 ans, je crois, quand elle rentre dans donc, l'asile Mathilde, qui est une institution pour jeunes avec de lourds handicaps physiques. La jeune fille en question n'a pas de lourds handicaps physiques, mais elle est incontinente. Elle continue à faire pipi au lit à 11 ans, et du coup, aucune institution normale, entre guillemets, ne veut l'accepter, donc elle doit entrer dans cet asile. Et dès son entrée à l'asile, l'assistante note que la jeune fille est très triste parce que son père ne vient jamais la voir. Il envoie pourtant régulièrement ce dont elle a besoin. Cette phrase, on va y revenir parce qu'elle est importante, sur comment est-ce qu'on différencie les visites du soutien matériel et financier, plus que les assistantes sociales en font deux éléments séparés. On retrouve d'ailleurs ce même élément en 1933. Les sœurs ne se plaignent pas de l'attitude du père, notamment parce qu'il perd régulièrement les frais de pension. Et à l'inverse, l'assistante note qu'il ne répond jamais aux lettres de sa fille et qu'il ne va toujours pas la voir. Du coup, en février 1933, donc après quelques mois où la jeune fille est entrée à l'asile, l'assistante vient voir le père directement à son travail, vient le trouver, pour nous lui disons combien il est dommage qu'il n'aille pas voir sa fille, que cette indifférence attriste réellement, il réagit peu. Et donc, je vous donne cet exemple-là, mais en réalité c'est quelque chose qu'on retrouve à travers tous les dossiers. Dès qu'il y a absence de visite, l'assistante sociale va directement se rendre dans la famille et tenter de convaincre les parents d'aller rendre visite à leur enfant. C'est vraiment quelque chose sur lequel elles appuient. Et en fait, du coup, les visites sont utilisées comme un signal pour dénoncer un manque d'affection parentale ou un manque d'attention des parents envers leurs enfants. Et c'est vraiment à travers les visites qui est évalué, qui est objectivé par les assistantes sociales, ce qui serait ces marques de manque d'affection. La question des visites peut même conduire les assistantes à réévaluer la figure du mauvais parent qu'elles avaient eu à l'issue de l'enquête sociale. Donc justement sur le lien entre les deux et sur comment la vie d'une assistante peut évoluer. Je vous donne l'exemple de la famille C, mais bon, comme c'est très agréable d'utiliser des diminutifs, je vais l'appeler Courcy. Voilà, donc la famille Courcy, c'est pas le vrai nom. Commence du coup par une enquête. C'est le père qui demande la déchéance de la mère. Les parents sont séparés, la mère a les enfants avec elle, et le père réclame que la mère se voit retirer ses enfants pour négligence. Et quand l'assistante va rendre visite à la mère pour la première fois, la mère est tellement ivre qu'elle urine sur elle pendant la visite. C'est un... Pour le coup, j'ai vu des cas où il y a vraiment des cas de misère, d'alcoolisme très fort, mais à ce point-là, non. C'est un dossier tout à fait particulier sur l'état de cette mère, ce que ça renvoie à l'assistante sociale qui se sent extrêmement choquée, qui se sent dégradée, on peut le dire tout à l'heure. Donc ça lui procure une première impression extrêmement négative de cette mère qui pour elle est l'image de cette déchéance sociale absolue. Et à l'inverse, à propos du père, elle va estimer que lui, il est... bien recommandé par son entourage, bien recommandé par ses patrons, et donc c'est la figure de l'ouvrier consciencieux sur lequel elle va pouvoir s'appuyer sur le suivi. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'elle note dès l'enquête sociale, on parlait de ce coup d'œil de la sociologie spontanée, que le père semble se désintéresser de ses enfants dans la manière dont il en parle. Mais comme c'est plus un élément solide, stable au niveau justement de la réputation, de la morale, qui est quelque chose de très important pour les assistantes sociales, c'est sur lui qu'elle va décider de s'appuyer à l'issue de l'enquête. Or, la question des visites va l'amener à changer complètement d'avis sur quel est le bon parent sur lequel s'appuyer. Puisqu'elle note, après à peine quelques mois de l'enquête passée, que le père ne vient jamais rendre visite aux enfants, qu'il ne demande jamais de leurs nouvelles, tandis que la mère leur rend visite mensuellement et envoie de nombreux colis de vêtements et de friandises, si bien qu'à la fin de l'année, ils acceptent même que les enfants passent quelques temps chez leur mère, alors même que la question du milieu familial est prise très au sérieux et l'alcoolisme de la mère est pris très au sérieux. Encore 6 mois plus tard, l'assistante a établi un premier bilan de ses relations avec les parents et estime que la mère s'est montrée attachée à ses enfants, désireuse de leur procurer ce dont ils avaient besoin, tandis qu'au contraire, le père, qui se désintéresserait d'eux, fait preuve d'un égoïsme évident et toute collaboration avec lui se révèle impossible. Donc la question des visites devient un élément qui l'a conduit à complètement modifier sa vision de ce qu'est le mauvais parent dans cette affaire-ci. Et on retrouve encore une fois là, sur la question des visites et des colis cette séparation faite par les assistantes sociales entre frais de pension d'un côté qui serait le soutien uniquement financier qui est nécessaire mais pas suffisant et les manifestations plus affectives qu'on retrouverait dans le courrier et dans les visites. Donc il y a une séparation où on va se demander si elle est artificielle ou pas, mais entre les deux. De ça. Voilà, donc du coup, la question de l'affection parent-enfant, c'est pas uniquement une théorie qui serait utilisée dans les enquêtes sociales mais qui n'aurait pas d'impact sur le suivi. Ça a vraiment un rôle dans la manière dont l'assistante met en place son plan de suivi, met en place ses outils de travail au quotidien quand elle suit des familles. Pour autant, on peut se demander si les assistantes encouragent toujours les visites ou s'il n'y a pas des cas de famille où elles les découragent parce qu'il y aurait une mauvaise influence, etc. Notamment pour les cas d'échéance maternelle où on est vraiment face à cette image des mauvais parents et où l'éloignement de l'enfant se fait en faveur de sa protection. En réalité, c'est assez étonnant, mais il y a très très peu de dossiers où les visites sont déconseillées, y compris dans les cas d'échéance et y compris même dans des cas de tout à fait particuliers de déchéance. J'ai un cas notamment où c'est la jeune fille elle-même qui vient porter plainte contre ses parents au tribunal pour mauvais traitement et parce qu'elle déclare que son beau-père, je cite, « désirait toujours l'avoir près de lui ». Entre parenthèses, elle ne précise pas, donc on peut soupçonner un cas d'inceste. Et malgré son placement, et malgré le fait que la jeune fille déclare préférer être en maison de correction que de retourner auprès de ses parents, et refuse pour le coup les visites, on parlait de est-ce qu'on a le droit de refuser les visites, l'assistante sociale va tout faire pour essayer de maintenir le lien entre les parents et la jeune fille. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que même dans ces cas-là d'échéance, on ne tente pas d'empêcher les visites? Alors, l'hypothèse que je fais, mais encore une fois, c'est une hypothèse, c'est que les assistantes séparent l'affectif de l'éducatif. Quand elles placent un enfant, c'est pour des raisons éducatives, pour les éloigner des mauvaises influences de leur famille. Mais une fois que les enfants sont placés, la question de la bonne influence ou non est complètement évacuée, ou en tout cas, elle est complètement évacuée de la question des visites. Les assistantes n'attribuent aux visites qu'un rôle de soutien affectif et pas du tout un rôle éducatif. C'est comme si les parents qui rendaient visite à leurs enfants ne pouvaient pas avoir d'influence à l'intérieur de murs sur la manière dont se comportaient leurs enfants. C'est complètement différent du rôle qui va être attribué aux permissions à domicile. Et c'est pour ça que je disais que je ne peux pas envisager l'un sans l'autre. Et j'ai notamment un cas typique d'une jeune fille dont la mère est déchue de ses droits, donc elle perd les droits sur sa fille, Pour autant, elle a le droit de continuer à lui rendre visite, donc on peut continuer à avoir des droits de visite malgré une décision judiciaire, et ça ne pose aucun problème à l'assistante d'autoriser ses droits de visite tout au long d'un suivi qui dure près de 5 ans. Mais par contre, le jour où se pose la question des permissions de sortie de la jeune fille qui est placée comme petite bonne à demeure, il y a tentative de restreindre les permissions de visite et on oblige la jeune fille à passer ses moments de loisirs chez les sœurs Saint-Vincent-de-Paul et pas chez sa mère, et à voir sa mère uniquement en présence de ses patrons. Donc on retrouve tout d'un coup la question de la mauvaise influence que peut avoir la mère, mais uniquement pour la question des permissions à domicile. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence qui est faite entre visite et permission à domicile ? Déjà, c'est parce qu'encore une fois, cette théorie du milieu reste très très forte. Et donc, dès que les enfants sont à domicile, ils reviennent dans le milieu familial, et donc se repose cette question de l'influence du milieu sur l'enfant. Donc la question des théories éducatives, des savoirs éducatifs, ne peuvent pas être évacuées quand on regarde ces questions-là. À l'inverse, encore une fois, c'est une hypothèse, mais si les assistantes sociales ne pensent pas du tout les visites comme pouvant faire partie de l'éducation de l'enfant, c'est parce que c'est pour le coup une position de classe où elles estiment que finalement les parents de classe populaire sont très peu éducateurs, sont très peu psychologues. En tout cas, c'est quelque chose pour le coup que j'ai retrouvé avec plus de solidité quand je regardais les enquêtes. Les assistantes sociales ne parlent de parents qui seraient maladroits dans l'éducation de leurs enfants ou qui manqueraient de psychologie uniquement pour les parents de classe moyenne. Dès qu'on est face à des parents de classe populaire, il n'y a pas du tout cette utilisation des termes de psychologie ou de éducateur, pas éducateur, et on revient à un vocabulaire qui est uniquement du registre de l'affection et même d'une animalisation en fait de l'affection. J'ai un rapport d'activité de mon service où la directrice du service parle de ses parents menacés justement de se voir retirer leur enfant à cause de leur alcoolisme. Et elle dit « Ces pauvres gens ont pourtant souvent pour leur famille un attachement tout animal, aucune volonté de nuire. » Donc je pense que si elles autorisent les visites, c'est qu'elles ne pensent pas que les parents de classe populaire puissent avoir une influence éducative ou psychologique au-delà de la question du milieu. Enfin, donc, encore une fois, ça reste de l'ordre de l'hypothèse, mais ça a un lien en tout cas avec ce que je vois dans les enquêtes. À l'inverse, du coup, je le disais, la question d'interdire certaines permissions de sortie se pose très régulièrement dans les dossiers. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent faire justement pour restreindre les permissions de sortie ? Alors là, vous en avez un premier cas, c'est encourager l'enfant à passer ses permissions de loisirs dans une institution ou obliger à ce qu'il y ait toujours un médiateur entre le parent et la jeune fille. Une autre possibilité, c'est de s'appuyer sur d'autres membres de la famille. Et c'est aussi pour ça que les assistantes sociales, du coup, ont une conception aussi large de la famille, c'est qu'elles n'hésitent pas à s'appuyer sur des membres dont elles estiment qu'ils ont une meilleure moralité que les parents eux-mêmes, et d'essayer de favoriser ces figures-là d'autorité au détriment des parents. C'est notamment le cas pour les tantes ou les grands-mères. Alors, je dis tante et grand-mère et pas tante et oncle et grands-parents parce que c'est très souvent sur des familles, des figures féminines qu'on s'appuie. Les figures du care, ça reste des figures féminines. Mais d'encourager un jeune placé en foyer à rester son enfant chez sa tante plutôt que chez ses parents ou chez sa grand-mère plutôt que chez ses parents, c'est extrêmement fréquent. C'est d'autant plus fréquent pour les grands-parents qu'on a à peu près 10% des jeunes enquêtés qui ont vécu chez leurs grands-parents quand ils étaient enfants. Donc il y a déjà un lien qui a été établi. Mais parfois, notamment dans le cas des oncles et tantes, c'est même pas du maintien de liens familiaux, c'est carrément essayer d'activer des liens familiaux qui avaient été peu activés jusque-là. Donc la question de ne pas essentialiser ces liens, et il y en a qui sont instrumentalisés ou réactivés dans le but de réguler ces relations. Enfin, dernière possibilité pour restreindre les permissions de sortie, c'est tout simplement d'essayer de s'appuyer sur le droit, on revient au droit, et pour le coup quand même, quand un parent perd son droit de garde, autant il ne perd pas le droit des visites, autant normalement, il perd le droit à ce que son enfant vienne chez lui, ne serait-ce que temporairement, pour un droit de visite. Après, le problème, c'est qu'il y a un fossé, enfin le problème, il y a un fossé entre le droit et la possibilité pour les assistantes sociales de le faire appliquer, sachant qu'elles n'ont aucun outil du quotidien qui leur permet d'imposer ça. Et donc là, notamment, je vous ai mis un cas où le jeune est placé dans un internat scolaire après que sa mère ait perdu ses droits parentaux. Et le directeur de l'école l'autorise pourtant systématiquement à chaque vacances à revenir chez sa mère, malgré les mises en garde de l'assistante sociale qui lui rappelle à chaque fois le jugement. Et même si je vous l'ai mis, c'est intéressant, elle mélange des considérations juridiques avec des considérations d'ordre de l'affection, puisqu'elle essaye à la fois de dire au directeur qu'il y a un jugement, mais aussi de dire « nous savons que les scènes entre Albert et son père sont très fréquentes et violentes quand il revient chez lui, donc il faut aussi l'empêcher de revenir chez lui parce qu'il y a ces contestations-là d'un lien parent-enfant détruit qui entre en compte. » Voilà. Alors, du coup, dernière partie. Est-ce que cette attribution d'une fonction uniquement affective, de maintien des liens affectifs parent-enfant lors des visites, correspond réellement aux stratégies, au fait d'aller rendre visite à son enfant ou pour un enfant au fait de réclamer une visite de ses parents. En somme, est-ce que la fonction que leur attribuent les assistantes sociales correspond aux usages des visites en institution qui sont réellement faits par les familles? Alors, je vais aller vite parce qu'il me reste 5 minutes. Du coup, je vais passer sur certaines choses. Néanmoins, on l'a vu hein, quand même, il y a des parents qui effectivement décident de placer leur enfant parce qu'ils veulent rompre les liens familiaux. Donc il y a des cas de parents qui n'ont pas envie de rendre visite à leur enfant, et c'est aussi une réalité. Mais pour autant, de considérer que les parents qui ne rendent pas visite à leur enfant sont uniquement des parents qui manqueraient d'affection ou qui souhaitent couper ces liens familiaux, c'est aller un peu vite en besogne. Et je vous donne du coup un exemple d'un cas où, je vais vous l'expliquer sans doute, ça résumera plus facilement. Encore une fois, une mère qui... encore une fois, un père qui porte plainte en déchéance contre la mère. Donc les conflits parentaux qui s'expriment à travers les droits de garde sur enfants, c'est très fréquent. La mère refuse systématiquement de placer ses enfants. Et pendant 3 ans, elle y parvient, alors même que l'assistante déploie toutes les ressources institutionnelles qu'elle a sous la main et mobilise notamment l'assistante scolaire, l'assistante municipale. Donc il y a 3 assistantes sociales qui essayent de convaincre la mère de placer ses enfants, et la mère arrive à refuser pendant 3 ans, jusqu'au jour où l'assistante sociale débarque directement à l'école de la jeune fille avec le père, ramène la petite fille chez le père pour qu'il puisse la placer en institution. Donc c'est pas du kidnapping d'enfants, mais c'est du... C'est assez radical. Et là-dessus, l'assistante s'émeut, alors même qu'elle a encouragé le directeur à ne pas laisser sortir la jeune fille avec qui que ce soit d'autre que son père, elle s'émeut, vous le voyez à la fin, Madame P n'a même pas essayé de savoir ce qu'était devenue sa fillette, ni de la voir, ni de demander de ses nouvelles. Mais ce qu'elle oublie, c'est que la mère est dans une situation extrêmement précaire, elle déménage 4 fois en 2 ans, pendant ce suivi, en laissant des dettes à chaque fois, donc elle est déjà dans une situation extrêmement compliquée. Elle a dû s'opposer déjà à 3 assistantes sociales, et je pense en fait qu'on est dans un cas qui est un peu comme ce qu'Antoine Rivière mentionnait à propos des mères abandonneuses et l'assistance publique, à savoir qu'on est face à quelqu'un qui finit par arrêter de se battre en fait, tout simplement, qui a déployé tout ce qu'elle pouvait pour essayer de garder sa fille, mais qui en fait part du principe qu'elle a perdu à partir du moment où la fillette lui est retirée et qui n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir se battre contre l'institution d'accueil. Dernière chose, c'est qu'en est-il du côté des jeunes institués eux-mêmes? Le dernier élément que je voulais utiliser, chez les jeunes, il y a des questions de maintien du lien affectif, mais il y a aussi une question, les visites, ça permet de mobiliser la famille comme capital pour espérer sortir de l'institution un jour, puisque même si c'est leurs parents qui ont demandé à les placer, ils ont besoin de l'autorisation parentale pour espérer sortir. Donc maintenir le lien avec sa famille, c'est espérer pouvoir convaincre ses parents de sortir. Le premier cas que je vous ai donné, c'est une jeune fille qui fait semblant d'écrire à son institutrice pour pouvoir écrire à sa mère, mère avec qui elle n'a pas eu de contact pendant 10 ans, puisqu'elle vit chez son père, mais où elle va réactiver ce contact. Donc on reparlait à nouveau de ne pas essentialiser les liens familiaux. Il y en a qui vont être réactivés, voire instrumentalisés à cette occasion. Et la mère va se faire passer pour l'institutrice pour rendre visite à sa fille en institution et organiser à deux la fugue de la jeune fille. Et le deuxième, le dernier du coup exemple, et je conclurai là-dessus, que je voulais vous citer, c'est le cas d'une jeune fille qui va mobiliser les uns après les autres 5 liens familiaux différents. Elle est placée en correction paternelle par sa grand-mère qui l'a élevée. Elle va réussir à se réconcilier avec elle, à faire en sorte que sa grand-mère la sorte d'institution. Et puis finalement, ça ne se passe pas bien, donc la grand-mère la replace en institution. À ce moment-là, elle va du coup se lier d'amitié avec sa mère. Elle est placée en asile de fous à ce moment-là. Et elle va jouer sur la pitié de sa mère en lui reprochant de la laisser dans un asile de fous, etc. Donc la deuxième fois, c'est sa mère qui la sort d'institution, puis qui la replace. Et ensuite, elle va mobiliser sa sœur, etc., etc. Donc elle a une famille qui décide de la placer à multiples reprises dans une institution d'accueil, mais d'avoir un capital familial mobilisable très extensif. Et c'est d'autant plus important pour elle d'utiliser ce capital-là qu'à l'inverse, elle a très peu de liens avec l'assistante sociale elle-même. Donc l'assistante sociale n'est pas une ressource institutionnelle qui lui permet de sortir. Et là-dessus, ça contraste avec sa propre sœur, qui elle est placée dans une institution qui est proche de Paris et qui du coup garde un lien très étroit avec l'assistante sociale et développe une relation amicale très étroite avec l'assistante sociale. Et j'ai ça de courrier entre la sœur et l'assistante dans mon dossier. Donc, je conclurai là-dessus, la famille est un capital mobilisable, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a d'autres capitales de sociabilité qui entrent en compte. Et les seuls jeunes qui se permettent de refuser des visites à la famille sont des jeunes qui peuvent compter sur un autre type de capital social, que ce soit l'assistante elle-même, que ce soit les fameux fiancés, on les retrouve souvent, des jeunes filles qui se marient pour pouvoir échapper à l'institution, mais qui du coup, par ce mariage, peuvent aussi se permettre de refuser de voir leur famille. Et troisième type de sociabilité, des sociabilités amicales tout court. J'ai le cas d'un jeune homme qui finit par refuser de voir sa famille quand il part en permission pour être avec sa bande de jeunes et qui finit par s'enfuir avec leur complicité. Enfin, donc, voilà, simplement, considérer les liens familiaux, oui, mais dans cette configuration plus vaste et pas oublier les stratégies qui peuvent se mettre en place.